C'est comme dans le temps, instinctivement, les gens ils disaient leur bénédicité avant de manger. Puis sans s'en rendre compte, possiblement qu'ils assainissaient leur nourriture vibratoirement, peut-être en faisant ça. Aujourd'hui, les gens, ils mangent en regardant des gens mourir, des gens qui pleurent, puis ils soupent devant les nouvelles. C'est comme maudire sa nourriture. C'est le contraire de. C'est pour ça que je dis de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Malgré que quand je regarde les nouvelles, comment c'est aujourd'hui, ce qu'on appelle maintenant le journalisme, j'ai de la difficulté à pas vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. On est dans de la propagande pure. Vraiment, le Canada fait partie de l'OTAN, puis je le vois tous les jours, tout le temps, à quel point on est enfermé dans une vision unique. Puis, au fond, là, s'il y a une guerre en ce moment, c'est parce que les Américains ont pas suivi leurs engagements, entre autres. Mais puis ça, je veux dire, il n'y a personne qui en parle. Mais ça, j'ai pas eu besoin de m'informer sur les réseaux sociaux ou Internet. Ça fait des décennies qu'on les voit aller. Ils s'en cachent pas. Je veux dire, ce qu'ils font, ils le font, c'est juste qu'ils vont nous donner d'autres raisons que les raisons réelles où ils vont. Puis aussi, les réformes de l'éducation, puis le fait d'aller toujours vers de la médiocrité, ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est certain qu'il y a des journalistes qui ont été diplômés des écoles de journalisme dans les années fin 90 plutôt que dans les années début 70. C'est sûr que c'est des journalistes encore plus médiocres parce que ce système-là d'éducation, ça fait son petit bonhomme de chemin. Nos journalistes sont de plus en plus mauvais. Ils sont de plus en plus en dehors de ce qu'est le journalisme. Mais là, le fait qu'on ait été mal éduqués, ça va juste faire que les masses, il va falloir qu'ils vivent l'expérience puis qu'ils intègrent le fait qu'ils ont été mal éduqués. Donc, l'éducation réelle, c'est celle-là.